Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local du 6 septembre. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional, d'abord en parlant de hockey. Suite aux incidents qui sont survenus samedi entre le match entre le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini et le MJR Express de Jonquière, l'attaquant Pierre-Alexandre Martel a été suspendu pour 10 rencontres pour avoir frappé un arbitre. Son cas sera réévalué après les 10 parties. Ligue nationale de hockey maintenant, l'Avalanche du Colorado a perdu 4-2 contre les Sabres de Buffalo. À noter que Samuel Girard a été blanchi dans la rencontre. Il a joué 18 minutes 52 et a terminé le match à moins 1. Les Saguenay de Chicoutimi l'ont emporté par le compte de 4-0 sur le Drakkar de Bécomo. Olivier Galipeau, un but, deux passes. Kevin Clément, deux buts, une passe. Et Kelly Clément a aussi marqué dans la victoire. Et hier, en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, ben, le président des Saguenay, Richard Letourneau, a évidemment commenté la sortie de Gilles Courteau dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gilles Courteau qui a mentionné que les Saguenayens devraient avoir un nouvel amphithéâtre pour les prochaines années au lieu de reconstruire le Saint-Georges ou de rénover le Saint-Georges-Vizina. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, le président Richard Letourneau a mentionné que, évidemment, au cours des prochaines années, les gens, les intervenants à Ville-Saguenay seront dus pour avoir une bonne discussion à ce qui a trait l'avenir du Centre Georges Vézina. La réalité, c'est qu'effectivement, on a un aréna qui va fêter ses 70 ans en 2019. Puis, présentement, il y a un problème de structure et d'infrastructure au niveau de l'aréna. Du Saint-Georges. C'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, on a un problème avec la toiture. Puis, maintenant, à intervalles réguliers aussi, on vient aussi avoir un problème d'égout durant certains matchs. Donc, c'est sûr qu'en partant, je pense que, oui, c'est vrai qu'il faut faire de quoi avec le Saint-Georges Vézina. Ça, je pense que ça, c'est inéluctable, c'est important. On peut pas passer à côté. Maintenant, si vous me posez la question à savoir, est-ce que l'organisation des Saguenayens préfère une rénovation ou un aréna neuf, moi, je vais vous répondre que à Saguenay, présentement, on est dû pour avoir une bonne discussion puis un débat de fond à savoir c'est quoi qui est préférable pour la municipalité puis pour l'avenir. Est-ce que c'est une rénovation ou une construction? Là, il y a un paquet de chiffres qui circule, ça joue entre 35 millions qui s'est payé à Shawinigan, 105 millions le projet de 105 millions à Gatineau. On compare des pommes avec des bananes. Donc, c'est important qu'il y ait une étude sérieuse qui soit faite et qu'il y ait une discussion. Et une fois que la discussion aura eu lieu, puis qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à ça, ben, l'organisation des Saguenayens, on va vivre avec ça. OK. Sans le dire ouvertement, les Saguenay de Chicoutimi aimeraient peut-être avoir une glace conventionnelle et laisser la glace olympique, explique Richard Letourneau. Ouais. C'est sûr, Danny, que de la façon que tu me poses la question, c'est sûr que, écoute, présentement, on est la seule organisation junior majeure au pays qui a une glace olympique. Mm. C'est sûr que si tu me dis, je te donne l'opportunité d'avoir une glace réglementaire, tout en satisfaisant le patinage de vitesse qui vont avoir leur propre glace, je vais te dire, c'est sûr que c'est ça qui est l'idéal. Parce qu'effectivement, on comme je dis, on est la seule. Tu sais, c'est pas... Il s'agit de connaître un petit peu le hockey puis d'aller voir des matchs de hockey junior dans une autre aréna. Ouais. Pour se rendre compte que c'est pas le même genre de hockey, c'est pas la même intensité, c'est pas du tout la même affaire. Mm. Bon, okay. Mais maintenant, moi présentement, on a cette place-là, puis on vit avec, ça c'est sûr. Ouais. Mais par la suite, bon, on va voir ce qui va arriver. Mais ça doit être compliqué pour le... Charles Letourneau a mentionné que c'était pas une sortie commandée par les Saguenayens, celle de Gilles Courteau. C'est sûrement pas quelque chose qui était organisé par en arrière, ça c'est sûr. Okay. Vous savez que c'est sûr que quand le commissaire parle, c'est quand même important. Vous savez que M. Courteau, dans le hockey junior au pays, là, est quand même un des principaux porte-parole. C'est bien sûr que nous autres, on a la vision des Saguenayens juniors. Lui, plie à la vision de l'ensemble de la Ligue. Fait que, sauf que quand un journaliste lui parle, ben, il a le droit de dire ce qu'il pense. Mm. Maintenant, ben, c'est ça. C'est... Comme à tous les mercredis, je vous donne un classement POC selon le site internet classementpoc.com qui sert à déterminer les meilleures équipes de la région au niveau double lettre. Le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 4e rang. Les Ambassadeurs de Chougamau sont au 32e rang. Les Castors de Delbeau au 73e rang. Niveau Bantam, les Hurricanes de Mastouillage sont au 56e rang. Suivi de près par les Rapides de Boumsissi au 57e rang. Et les Ambassadeurs de Chougamau au 79e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandin sont au 20e rang. Et les Sabres de Robertval sont au 40e rang. J'invite avec la section de revue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec... D'abord avec Richard Letourneau, où on revient sur la sortie de Gilles Courteau dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, vous pouvez écouter une entrevue que j'ai réalisée avec André Rousseau, des coulisses du sport, où on parle évidemment des nouvelles d'Henri Richard. On sait qu'Henri Richard était d'Alzheimer, et également Jacques Demers. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.